Je me suis mis devant le garde mobile à crier « Vive Ferhat Abbas, vive Ben Bella !» J'ai crié tous les noms des dirigeants de l'époque. Un CRS m'a lancé « Tu fermes ta gueule !» Il m'a pris par là et m'a fait entrer dans le parc numéro 1. C'était devant une porte, comme celle-là d'ailleurs. J'arrive au parc, j'étais dans tous mes états. Deux minutes après, on m'appelle. On est monté par des escaliers dans une pièce sans fenêtre. Il y avait une chaise et une table. Papon m'interpelle. Vous avez crié « Vive Ferhat Abbas ?» J'ai dit oui. Parce que vous n'êtes pas capable. Il me dit « On va te renvoyer dans ton pays. » J'ai dit « Je rentre dans mon pays, pas le tien, avec plaisir. » Je ne me souciais de rien. Il a dit « Dégage-moi celui-là. » Ils m'ont sorti, il y avait le 1000 kilos. Ils nous ont fait monter, on était deux. Des harkis nous suivaient dans une voiture. Leurs collègues dans le camion continuaient de nous frapper. Nous, on criait et on pleurait. Le chauffeur criait. Ils nous ont massacrés. Jusqu'à la porte d'Italie. Là, ils sont descendus pour rejoindre leur caserne. C'était la caserne des harkis. Le 1000 kilos a continué. Il restait 3 ou 4 kilomètres avant d'arriver à Orly. J'ai entendu la radio du camion. Ça disait « Faites demi-tour, direction Vincennes ».